table. Remède non buvable, hein, chérie, tous ces mensonges, y penses-tu? Car moi j'y songe, cartographié, c'est mal qui me ronge. Ah, ces ruptures d'équilibre, un fractal comme calibre, situation d'autodéfense, paramétrage des circonstances, essayons d'atteindre la fin de la danse. Mais je ne m'appartiens plus déjà, essaie de voir plus loin que mon doigt, même si tu en as peur, enfuis-moi. J'ai tant besoin de carrefour, de brouillard, d'appel au secours, ne t'y perds pas, ne t'y approche pas, au bel amour. Trop entendu. Tu ne m'atteins plus d'un pas, essaie de voir plus loin que ma voix, même si tu en as peur, enfuis-moi. J'ai pas à pas construit mon refuge, où tu t'inities tel un transfuge. Ne t'y perds pas, ne t'y approche pas, ô bel amour.